demeure, Allah il révéla, ceux qui ont édifié une mosquée pourront faire un mobile de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants, qui la prépare pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son envoyé et jure en disant, nous ne voulions que le bien, cela Allah atteste qu'il mente. Allah les a dévoilés. Dans cette bataille, vous allez découvrir que c'est une guerre pas contre les Romains, c'était une guerre contre les hypocrites. Et c'est pour ça le verset il se trouve dans, c'est le verset de Surat Tawba. Et on appelle Surat Tawba la Surah Al-Fadiha. C'est la Surah qui a dévoilé les hypocrites, il les a dénoncés. La dénonciatrice. Certains compagnons, certains salafs, ils appellent Surat Tawba la dénonciatrice. Elle a dénoncé tous les complots. Déjà au début, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dénoncé. On va parler de ce qu'a fait le Prophète de cette mosquée à son retour de Tabouk. Parce qu'il leur a dit, quand nous reviendrons, inshallah, on fera la prière ensemble. Donc, ajouté à ces deux ennemis, et on était dans une saison généralement chaude, mais cette année-là, l'année 9 de l'Hégire, la sécheresse avait sévi et la chaleur était encore plus étouffante qu'à l'ordinaire. Donc il y avait des, à ce moment-là, il y avait des fruits qui sont au point d'être cueillis, d'atteindre la maturité. On sait qu'à ce moment-là, les gens, ils ont tendance à dormir, à être paresseux, à être. Mais le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne voyait pas les choses il voyait les choses sous un autre angle. Les compagnons, les gens, eux, ça y est, personne n'est prêt à combattre à ce moment-là. Ils attendent avec impatience les fruits. Et le Prophète, il a dit non, si on ne réagit pas maintenant, les Romains, ils peuvent envahir les tribus environnantes, ils peuvent aller jusqu'à Médine, ça va toucher la réputation de l'islam, et ça peut réveiller les hypocrites, ça peut réveiller certains nouveaux convertis, ils peuvent apostasier leur religion et se mettre du côté des Romains. Donc il vaut mieux agir maintenant, puisque maintenant Héracle, il a préparé son armée, nous on doit se préparer maintenant et on fait le départ. Et c'était vraiment un moment propice, parce que la Jahiliya, il est sur le point de s'évanouir. Il vaut mieux ne pas la réveiller de nouveau. Et le Prophète, qui d'habitude, quand il prépare une bataille, qu'est-ce qu'il fait ? Ce qu'il fait, il worry. Ça veut dire, il ne montre ni la destination, ni qui va combattre. C'est l'habitude du Prophète. On a vu beaucoup d'exemples sur ça. Des fois, il fait un chemin, des fois, il veut combattre une tribu qui se trouve à l'est, il va au nord. Et puis, il vire. À une certaine distance, il vire. D'accord ? Pour déjouer le complot des ennemis et pour aussi déjouer même le complot des hypocrites qui sont avec lui. Donc, mais là, durant cette bataille, il a dit clairement, il a dit on va combattre les Romains. Il l'a fait une fois, il a dit clairement on va combattre qui ? Khaybar. Quand il a voulu assiéger Khaybar, pourquoi ? Parce que c'était une promesse d'Allah. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها تعجل لكم هذه الله vous a promis beaucoup de butin que vous allez prendre et vous a hâté celle-ci. Vous a hâté ce butin-là, ça veut dire le butin de Khaybar. C'est pour ça qu'on a reçu cette révélation. Il a dit directement, Allah m'a promis Khaybar, on va la combattre, on va directement vers Khaybar. Il n'a pas dit ça sous forme subtile ou quoi que ce soit, il a dit directement on va combattre. En ce qui concerne le Tabouk, il a dit clairement, nous allons combattre les Romains de Tabouk. Pourquoi ? Parce que la distance, c'est long. Le Tabouk, c'est vers le nord, c'est proche de la Syrie, c'est vers le nord. Ça, c'est premièrement. Donc, il faut une bonne préparation. Et c'est un ennemi solide. Parce qu'il se peut que les compagnons, quand le Prophète leur disait qu'on va combattre un ennemi quelconque, ils ne vont pas se préparer comme il faut. Donc, le Prophète, il a dévoilé directement l'ennemi. Il a dit, on va combattre les Romains. Et cette razwa, il fut appelé razwat al-usra. La razwa, la bataille pénible. Usra. Innama al-usri yusra. Usra, ça veut dire difficulté pénible. Donc, les difficultés, ils y atteignirent leur paroxysme. Donc, l'ennemi intérieur, les hypocrites qui propagent les rumeurs, la sécheresse, l'attente de la cueillette des fruits, la puissance de l'ennemi, la première puissance mondiale, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant cette bataille, il n'a pardonné personne. Tout ce qui est saint du corps, et il a une monture, il est obligé de combattre. Aucune excuse, tout le monde, une guerre contre les hypocrites finalement. Tout le monde doit combattre. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Léger ou lourd, lancez-vous au combat et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. يا أيها الذين آمنوا. Beaucoup de versets de la sourate Tawbah. On ne peut comprendre la sourate Tawbah que si on comprend ces événements-là, que si on comprend ce qui se passe, la sira. C'est la sira qui nous fait comprendre la sourate de Tawbah, la sourate du repentir, sourate Bara'a. يا أيها الذين آمنوا. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض أرديتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Ô vous qui croyez, qu'avez-vous? Question, inkar, c'est qu'avez-vous? Lorsque l'on vous a dit, élancez-vous dans le sentier d'Allah, vous vous êtes appesantis sur la terre, la vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà? Or, la jouissance de la vie présente ne sera que peu de choses comparée à l'au-delà. Illa tanfiru yu'azibkum azaban aliman. ويستبدل قوما غيركم ولا تضرونه شيئا والله على كل شيء قدير. Les versets, ils sont percutants dans Surat Bara'a. Ils sont percutants. Si vous ne vous lancez pas au combat, il vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous remplacera par un autre peuple. Vous ne lui nuirez en rien et Allah est omnipotent. Allah vous châtiera et changera un autre peuple. Il mettra le peuple qu'il aime et qu'il aime. Subhanahu wa ta'ala. Les hypocrites et certaines bédouins vinrent trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam en invoquant divers prétextes, lui demandèrent la permission de rester chez eux. Maintenant, tout le monde se précipite pour demander. Tout le monde cherche les prétextes, les hypocrites et ceux qui ont du doute dans leur cœur, dans leur foi. Ils se précipitent vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sortent divers prétextes pour qu'ils les laissent chez eux. Et le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, révéla: إِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. Et lorsqu'une sourate est révélée, croyez en Allah et luttez en compagnie de son messager, les gens qui ont tous les moyens de combattre parmi eux te demandent de le dispenser et disent: laisse-nous avec ceux qui restent. Radu bi an yakunu ma'a al-khawalif. Radu an yakunu ma'a al-khawalif wa tub'a 'ala qulubihim fa hum la yafqahun. Il leur plaît, après le départ des combattants, de demeurer avec celles qui sont restées. Regardez l'expression: radu bi an yakunu ma'a al-khawalif. Il leur plaît de demeurer avec celles, avec les femmes. Avec celles qui sont restées à l'arrière, leurs cœurs ont été scellés et ils ne comprenaient rien. C'est vraiment un style percutant. Il touche les cœurs des musulmans, il touche les cœurs des hypocrites en dévoilant ce qu'il y a dans leur cœur. Et donc, comme j'ai dit dans les batailles précédentes, l'ennemi n'était pas loin. Khaybar était juste à côté. C'est pour ça que les hypocrites se sont précipités. Ils ont pris leurs armes, ils ont su que ça y est, c'est une bataille dont le résultat est garanti, que le prophète va avoir le butin. Et c'est pour ça qu'ils sont allés, que tous les hypocrites ont participé au siège de Khaybar. Mais là, c'est un grand test. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, il dit: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم. يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. S'il s'était agi d'un profit facile ou d'un court voyage, ils t'auraient suivi. Mais la distance leur parut longue. Et ils jureront par Allah, si nous avions pu, nous serions sortis en votre compagnie. Ils se perdent eux-mêmes et Allah sait bien qu'ils mentent. Subhanallah. لو كان سفرا قريبا ولو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لتبعوه. C'était un court voyage. Ils ont dit nous allons combattre. Mais là, contre la première puissance et la distance, elle est longue. Donc seuls les vrais croyants qui vont participer, qui veulent participer. Le prophète sallam, il invita le Jadd ibn Qais. Même le prophète sallam, il met à l'épreuve les hypocrites. Il ramena le Jadd. Il sait que le Jadd est un hypocrite. Il lui dit, oh Jadd, veux-tu aller au combat contre les Bani al-Asfar? Les Bani al-Asfar, ce sont les Romains. Donc, différentes versions. Asfar, c'est couleur jaune. Ils disent Bani al-Asfar parce qu'ils portaient beaucoup d'or. D'autres disent Bani al-Asfar parce qu'ils sont blancs. Parce que Aïs ibn Ishaq, on sait que Ibrahim, il a donné Ismaïl. Ismaïl a donné la descendance des Arabes. Et Ishaq, c'est le père de Yaqub. Et Yaqub lui-même, il s'appelle Israël. Lui-même. « Kullu ta'ami kana hillan li bani Israël, illa ma harrama Israël wa ala nafsih. » Toute nourriture a été autorisée au fils d'Israël, sauf ce que Israël lui-même s'est interdit lui-même. Ça veut dire que Israël, c'est Yaqub. D'accord? Israël, c'est les fils d'Israël. Allah leur a envoyé, Moussa et Isa. Et puis, l'un des fils de Ishaq, il s'appelle l'Aïs. Et l'Aïs, c'est lui qui a donné, les Romains. Et l'Aïs, on dit de lui qu'il est Asfa, ça veut dire qu'il est blanc. Il est blanc. Quand le prophète sallam a dit à Al-Jadd ibn Qais, est-ce que tu es intéressé, tu veux combattre avec moi les Bani al-Asfar, il a dit, envoyé d'Allah, il vaut mieux que tu me dispenses. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que quand je vois les femmes de Bani al-Asfar, je suis tenté, je ne peux pas me retenir. Demande aux gens qui sont à côté de moi et tout. Je ne peux pas, je suis très tenté par ces gens-là, surtout par les femmes de Bani al-Asfar. Elles sont très belles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je t'en dispense. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Wa minhum man yaqulu azalli wa la taftinni » Ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Parmi eux, il en est qui dit, donne-moi la permission de rester et ne me mets pas en tentation. Or, c'est bien dans la tentation qu'ils sont tombés, l'enfer est tout autour des mécréants. Wa inna jahannama la muhitatun. C'est quand il est resté qu'il est tombé dans une vraie tentation, dans le feu de l'enfer. Version rapportée par Ibn Ishaq. Et Ibn Ishaq également, il a dit que les Bédouins de la tribu de Rifar et des alentours de Médine, ils vinrent demander aussi l'autorisation de s'absenter de l'expédition. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne les excusa pas. Il dit, وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Et parmi les Bédouins, certains sont venus demander d'être dispensés du combat, et ceux qui ont menti à Allah et à son messager sont restés chez eux. Un châtiment douloureux affligera les mécréants d'entre eux. Toujours les versets de Surat Tawbah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a reproché au prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait qu'il les dispense. Il a dit, il faut dispenser personne. C'est une mise à l'épreuve maintenant. Il faut faire la part entre les hypocrites et les vrais musulmans. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبينك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. Allah, il dit, qu'Allah te pardonne. Pourquoi leur as-tu donné permission avant que tu ne puisses distinguer ceux qui disaient vrai et reconnaître les menteurs? لا يستأذنك لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. Ceux qui croient en Allah et au jour dernier ne te demandent pas permission quand il s'agit de mener combat avec leurs biens et leurs personnes, et Allah connaît bien les pieux. إنما يستأذنك إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إنما ne te demande permission que ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier et dont les cœurs sont emplis de doutes, ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. S'ils avaient voulu partir au combat, ils lui auraient fait des préparations, mais leur départ répugna à Allah et il les a rendus paresseux et il leur fut dit restez avec ceux qui restent. Et beaucoup d'autres versets. Le professeur Sallam, le moment est très difficile. Comme on a dit, moment Yawm al-Usra, dont parle Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad taba Allahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra. Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des émigrés, des ansar qui l'ont suivi à un moment difficile. Donc c'était un moment très difficile. Jabir radiallahu anhu, dans Tafsir al-Qurtubi, rahimahullah, exégèse du verset. De ce verset-là, dans le volume 8, page 278. Il a dit, il y avait difficulté, rustra, difficulté, difficulté du manque de monture, difficulté du manque de provision et difficulté du manque d'eau. Et ajouté à cela, bien sûr, la chaleur étouffante et le trajet long, 12 étapes par rapport à Médine. Et quand le professeur il a vu que l'équipement n'est pas suffisant, il incita les compagnons, surtout les riches, à faire des dons. Les justes rivalisèrent d'ardeur dans ce domaine. Abu Bakr radiallahu anhu, il a donné toute sa fortune. Omar radiallahu anhu, il a donné la moitié de sa fortune. L'Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une grande fortune aussi, une grande part. Talha, Sa'd ibn Ubada, Muhammad ibn Maslama et d'autres, les vrais croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam monta sur le manbar et insista davantage pour que les gens ils donnent fi sabilillah, ils donnent dans le jihad. Et quand le Prophète il était sur le manbar en train d'insister, Uthman radiallahu anhu, il a dit je me charge de 100 chameaux, 100 chameaux, et tout ce qui lui sont assortis, les armes et tout, je m'occupe de ça, même les provisions, pour chaque chameau, ses propres provisions, 100 chameaux. Le Prophète insista, Uthman il se leva une deuxième fois, il insista, il se leva une troisième fois, et Uthman. Il a répété la même chose jusqu'à atteindre, 10 fois jusqu'à atteindre 1000 chameaux. Il a dit 1000 chameaux, je m'en occupe. Et il a ramené 1000 elf dinars, 1000 onces ou 1000 dinars, et il a donné ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il regardait les 1000 dinars, ce qu'a fait Othman radiallahu anhu, il a dit, aucun mal ne touchera Ibn Affan après ce qu'il a fait aujourd'hui. Maintenant, même s'il fait des péchés, ça y est, après ce qu'il a fait aujourd'hui, ça envahit, ça élimine tous les péchés qu'il fera et qu'il a fait. Radiallahu anhu. Hadith rapporté par Tirmidhi, avec un assez bon isnad Hassan. Les femmes aussi, ils ont participé, ils ont donné leurs boucles d'oreilles, les bagues, les bracelets et tout, les vraies croyantes. Mais la plus grande partie de l'armée, elle a été équipée par Othman, radiallahu anhu. Parmi les musulmans, il y avait des gens qui sont dans le dénuement. Ils n'ont pas eu d'argent, ils sont pauvres, ils ne peuvent rien donner. Parmi lesquels, Alab ibn Zayd. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là, ce compagnon, radiallahu anhu? Il pria la nuit et invoqua Allah subhanahu wa ta'ala en pleurant. Il a dit, Seigneur Allah, tu as ordonné les jihad et tu as incité les gens à le faire et tu n'as pas mis dans ma main quelque chose par laquelle je peux soutenir l'envoyé d'Allah, et tu n'as pas donné à l'envoyé d'Allah une monture ou en sa possession une monture pour moi. Toutefois, je fais aumône à tout musulman qui m'a lésé dans mon bien, dans mon corps ou dans mon honneur en le pardonnant. Il n'a rien trouvé, ni argent, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voilà. Quelqu'un qui m'a lésé, je lui pardonne. Parce que le jour du jugement, il n'y a ni dinars et dirhams, comme c'est évoqué dans le hadith de Bukhari. On a parlé avant-hier dans le Jumu'a, on a parlé de ce hadith-là, que celui qui a lésé son frère dans son honneur ou autre chose, qu'il s'en acquitte auprès d'Allah avant qu'il ne soit trop tard, avant que le jour dernier, il n'y ait ni dinar, le dinar et le dirham n'ont plus cours ce jour-là. Il n'y a que les hasanat et les sayyiat, les bonnes actions et les mauvaises actions. D'accord? Donc s'il a lésé quelqu'un, on prend ses hasanats et on le donne à la personne lésée, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de hasanats à cette personne, et on prend les péchés de la personne lésée et on le met sur le dos de la personne qui était injuste. Lui, il a dit, je donne comme aumône, je les pardonne, je pardonne à ces gens-là. Radiallahu anhu. Et le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui a donné l'aumône, qui a donné l'aumône cette nuit? Et personne ne se leva. Et il l'a répété une deuxième fois. Qui a donné? Et puis là, Alib ibn Zayd radiallahu anhu, lui a fait le récit de ce qu'il a fait la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, aie cette bonne nouvelle par celui qui détient mon âme dans sa main. Elle a été écrite dans la zakat qui a été acceptée. Allah subhanahu wa ta'ala a accepté cet aumône-là. Le fait qu'Allah il accepte, c'est subhanallah. Comme Ibn Omar il dit, si Allah accepte deux de mes raka'at, j'attendrai la mort comme la mariée et attend son bien-aimé. Subhanallah. Donc le fait, il se peut que tu fasses la prière ou tu fasses le monde comme il faut, conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah ne l'accepte pas à cause d'un empêchement. Peut-être des péchés que tu as fait, peut-être la sincérité, peut-être d'autres choses. C'est là, Allah l'a accepté. Alib ibn Zayd radiallahu anhu, hadith sahih, rapporté par Al-Hafid ibn Hajar dans l'Isaba, volume 2, page 493. Et les hypocrites, lors de la récolte des dons, ils sont groupés comme ça, ils regardent les gens en train de donner, d'aider le prophète, de donner ce qu'ils peuvent donner. Et quand ils virent Abu Aqil, radiallahu anhu, ramener une petite quantité de dattes de mauvaise qualité. Et juste, c'est ce qu'il a trouvé. Il a ramené ça, il l'a déposé près du prophète. Et eux commencèrent à se moquer de lui, les hypocrites. Ils ont dit, Allah, il n'a pas besoin de cette poignée de dattes. Et quand un autre homme est venu, il a apporté une grande contribution, ils ont dit, oh, cet homme, il l'a fait par ostentation, il veut se montrer. Personne n'échappe à leur moquerie. يا الله سبحانه وتعالى يقول الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Ceux-là qui dirigent leur calomnie contre les croyants, qui font des aumônes volontaires et contre ceux qui ne trouvent que leurs faibles moyens, et ils se moquent alors d'eux, qu'Allah les raille et ils auront un châtiment douloureux. Allah il se moque d'eux. Hein? Allah, on ne peut pas dire Allah est moqueur, on ne peut pas considérer la moquerie comme un attribut d'Allah, mais on dit, comme ils disent les savants, ça veut dire c'est un attribut de perfection d'Allah quand il s'agit de répondre aux autres. D'accord? Attribut de perfection lié. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Donc, attribut de perfection quand il s'agit de répondre aux mécréants. D'accord? Eux, ils ont voulu se moquer et Allah s'est moqué d'eux. D'accord? Eux, ils usent de stratagèmes et Allah, ils usent de stratagèmes contre eux. Donc, istihza al-kaïd, Allahu yistahzi'u bihim, sakhir Allahu minhum, al-makr wa makaru wa makar Allah. Et ces attributs-là, on dit des attributs de perfection, mais pour répondre à ses ennemis, pour répondre aux ennemis d'Allah. Donc la moquerie, le usé de stratagème, la ruse. Allah, il ruse, mais on ne dit jamais Allah est ruseur. Il ruse quand eux, ils rusent. D'accord? Ça, c'est donc l'unicité de l'asma, dans l'unicité des noms et des attributs. Parmi ces gens, ils ont demandé au prophète de leur dispenser ils n'ont pas voulu participer à la bataille. D'autres retardataires, ils se sont absentés, mais pas par esprit malveillant. C'était par manque de volonté. C'était Shaitan, il leur a joué des tours. Et vu les circonstances difficiles, ils sont restés, ils n'ont pas participé. C'était des vrais croyants, parmi lesquels Abu Khaysama, on va en parler. Et parmi lesquels Hilal ibn Umayya, Miraratu ibn Rabi' et Ka'b ibn Malik. On va parler de Ka'b ibn Malik, de son histoire. Maintenant, les contingents et les contingents des autres tribus furent arrivés et l'armée comptait maintenant 30 000 combattants. 12 000 contre 10 000 à la prise de la Mecque, 12 000 contre Hawazin et Taif. Maintenant 30 000. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il fait qu'il y ait quelqu'un qui gouverne avec les lois d'Allah, regarde comment les gens ils rentrent en islam. Quand la loi d'Allah s'est appliquée, quand le prophète sallam a eu le pouvoir sur cette tribu-là, les gens ils rentrent par grand nombre en islam. 30 000 ont participé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il demanda que toute l'armée sallallahu alayhi wa sallam se réunit à Sunayyat al-Wada', un coin de Médine, à un coin de la banlieue de Médine. Il s'appelle Sunayyat al-Wada'. Et il se fit remplacer par qui? Par Ali radiallahu anhu. À Médine. Mais les hypocrites, toujours ils propageaient les rumeurs, ils firent courir le bruit que l'envoyé d'Allah trouvait son gendre pesant et était content d'être débarrassé de sa présence. Ils ont dit, il a laissé à Médine, c'est pour se débarrasser de lui, il le gênait. Et là, quand Ali radiallahu anhu a entendu ceci, il a porté ses armures, il a pris son épée, et il est allé à Taniyat al-Wada'. Et il a parlé au prophète, il a dit, comment tu me laisses avec les femmes et les enfants? Les gens, ils m'ont dit ça, ils m'ont dit de moi ça. Et le prophète l'a apaisé par ces mots. Il a dit, n'acceptes-tu pas d'être pour moi ce que fut Haroun pour Moussa? N'acceptes-tu pas d'être pour moi ce que fut Haroun pour Moussa? Si ce n'est qu'il n'y a pas de prophète après moi. Hadith rapporté par Al-Bukhari, 4416, Muslim et Ahmed. Donc, il a dit, tu ne veux pas être pour moi ce que fut Haroun pour Moussa. Haroun, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remplacé Moussa quand Moussa, alayhi salatu wassalam, quand il est monté au rendez-vous fixé avec Allah subhanahu wa ta'ala, les 40 jours, wa id wa'adna Moussa 30 laylatan, wa asmamnaha bi 10, fa thamma miqatuhu 40 layla. Wa qala Moussa li akhi Haroun, akhlufni fi qawmi, wa aslih wa la tattabi' sabil al-mufsidin. Et nous donnâmes à Moussa rendez-vous pendant 30 nuits, et nous complétâmes par 10, de sorte que le temps fixé par ton Seigneur se termina au bout de 40 jours, et Moussa dit à Haroun, son frère, remplace-moi auprès de mon peuple, et agis en bien, et ne suis pas le sentier des corrupteurs. Donc Haroun, il a remplacé Moussa alayhi salam. Mais le prophète sallam, il a ajouté, si ce n'est qu'après moi, il n'y a pas de prophète. D'accord? Parce qu'il y a des sectes qui prétendent qu'il y a des prophètes après les Qadiyans, les Qadiyani, Mirza Ghulam, les Qadiyans, les Dal, les Gari. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ajouté dans ce hadith, il n'y a pas de prophète après moi. Pour que les gens ne disent pas de Ali qu'il est le remplaçant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Mais malgré ça, ils lui ont attribué la connaissance de l'invisible. Ils ont dit qu'il dirige l'univers avec Allah. Ils se sont prosternés devant lui. Allah l'afia. Le départ a eu lieu le jeudi. C'est une sunna de faire le départ dans un voyage le jeudi. D'accord? Parce que le prophète sallam, il aime sortir dans une expédition, dans un voyage le jeudi, comme c'est rapporté selon Ka'b ibn Malik, le hadith de Bukhari, numéro 2950. Près de Taniyat al-Wada' se trouve Abdullah ibn Ubay ibn Salul, la tête des hypocrites. Il se trouve, il a mis un camp, il a regroupé les gens autour de lui. Il y a le camp où se trouve le prophète sallam, le campement, et puis le campement de Abdullah ibn Ubay. Et quand le prophète sallam il chevaucha en tête de l'armée et ont pris le commandement, Ibn Ubay a dit à ceux qui l'entourent qu'il ferait mieux de retourner. Il fait très chaud, les fruits sont sur le point d'être cueillis, ce n'est pas un moment convenable. La distance est longue et il vaut mieux qu'on retourne. Et après, il vaut mieux qu'on retourne chez nous. C'est dur et tout, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala révèle à son propos, فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. Ceux qui ont été laissés à l'arrière se sont réjouis de pouvoir rester chez eux à l'arrière de l'envoyé d'Allah. Ils ont répugné à lutter par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah et ont dit, ne partez pas au combat pendant cette chaleur. Dit, le feu de l'enfer est plus intense en chaleur, s'il comprenait. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون لو كانوا يفقهون. Le trajet, comme j'ai dit, est long. Et les montures et les hommes ont beaucoup souffert. Fadal ibn Ubayd al-Ansari radiallahu anhu, il raconte que les compagnons se plaignirent auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam que leurs montures restent de dépérir. Tellement la chaleur et le trajet est long. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait passer par un sentier très étroit. Et il s'est arrêté, il a laissé défiler les chameaux. Et à chaque fois, il a dit Bismillah, et puis il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Seigneur Allah, porte-les au-dessus de ces montures dans ton sentier. Toi qui portes sur les forts et les faibles, sur le mou et le dur, dans la terre et dans la mer. Il dit toi qui portes sur le faible, le fort, le dur et le mou, dans la terre et dans la mer. Il a dit au retour de Fadal ibn Ubayd al-Ansar radiallahu anhu, il a dit au retour, quand on est retourné vers Médine, on était obligé de tirer sur les brides pour faire les brides des montures pour faire reculer, pour ralentir les chameaux. Subhanallah, l'invocation d'Allah avec le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient acquis à leur retour vers Médine vigueur et force. Il a dit, j'ai compris l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les forts et les faibles. C'était les forts, les montures qui sont fortes et les montures qui sont faibles. Mais je n'ai pas compris le mou et le dur dans la mer. Il a dit, plus tard, pendant la khilaf je crois de Omar radiallahu anhu, il a dit, j'étais à Sham. Et on s'apprêtait à combattre, à rentrer, à envahir Chypre, ou Kébros. C'est une île. Chypre, c'est une île. Donc il faut traverser la mer. Et j'ai vu les gens rentrer dans le bateau et tout, pour traverser la mer, et je dis, voilà, Allah nous a portés sur le mou et le dur dans la mer. Il a compris l'invocation du prophète, hadith avec un bon isnad rapporté par l'imam Ahmed. Parlons maintenant de l'homme, d'un des hommes qui était parmi les retardataires, mais il avait une bonne foi. On a dit Ka'b ibn Malik, Mirarat ibn Rabi', Hilal ibn Umayya, Khaythama. Khaythama, pendant ce temps-là, se trouve à Médine, quelques jours après que l'armée s'était mise en route. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il se promenait dans son jardin. Jardin ombragé dans de grands arbres, une journée de forte chaleur, et il y avait dans son jardin deux cabanes, et il vit que ses deux épouses les avaient aspergées, avaient disposé dans asperger d'eau comme ça pour un peu rafraîchir, avaient disposé dans chacune d'elles un repas à son intention et de l'eau qu'ils avaient mise à rafraîchir dans des jarres de terre. Et là, il se tenait au seuil de la maison, sur le seuil. Comme ça, il regardait de belles femmes, l'eau fraîche, les fruits prêts à être cueillis. Et puis, sur le seuil, il a dit, c'est injuste ce que je suis en train de faire. L'envoyé d'Allah est exposé au soleil. Il est exposé, il est battu par les vents de chaud. Et Abu Khaythama, il se tient dans la fraîcheur de l'ombre, devant un repas préparé par lui, en compagnie de deux belles femmes, séjournant tranquillement dans son domaine, c'est injuste. C'est injuste, c'est impossible. Le prophète sallam, il reçoit la chaleur et moi, deux belles femmes, et l'eau et tout. Il a dit, je ne rentrerai pas. Wallah, il a dit, je ne rentrerai pas dans vos cabanes. Ramenez-moi ma monture, préparez mes armes et tout. Je ne vous verrai pas que si je vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et directement, il a pris sa monture, il s'était lancé dans la route. Il ne dormait pas même, jour et nuit, il est avec sa monture. Hadith rapporté par Ibn Ishaq. On va en parler par la suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait halte dans un endroit qui s'appelle Hijr. À côté de l'Hijr. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait, les compagnons? Ils ont trouvé de l'eau. C'est chaleur, c'est chaleur. Et ils puisèrent de l'eau des puits de la région. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, ne buvez pas de cette eau. Il a dit, ne buvez pas de cette eau. Ne l'utilisez non plus. Il ne faut pas l'utiliser. Ils ont dit, oh, envoyé d'Allah, nous avions pétri nos pâtes. Ils étaient tellement fins, ils avaient un peu de blé et tout. Nous avons préparé le pain. Il a dit, jetez ça. Donnez ça à vos chameaux. Et ils ne buvaient que dans le puits où a bu la chamelle de Saleh. Un des puits où a bu la chamelle de Saleh. C'était le Hijr. Le Hijr, c'était l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala, il a châtié le peuple de Saleh. Thamoud. Hadith rapporté par Bukhari, 3379. L'histoire de Samoud, de Saleh, quand ils ont dit, quand Samoud, le peuple de Samoud, ils ont dit à Saleh, montre-nous un signe, nous voulons un miracle. Il a dit, proposez, qu'est-ce que vous voulez, quand ils lui ont dit, il faut nous sortir une chamelle de ce rocher-là. Une grande pierre, sortir. Comment les mécréants le réfléchissent? Sortir une chamelle de ce rocher-là. En plus, l'autre, il a dit rouge. Une chamelle rouge, grande, géante, on a jamais, une chamelle qu'on n'a jamais vue. D'accord, c'est vos conditions. Et il invoque Allah subhanahu wa ta'ala à sortir cette chamelle. Mais cette chamelle, elle est géante, elle boit de l'eau de ce peuple-là une journée, et eux, ils profitent de son lait une journée. Eux, ils ne doivent pas boire l'eau le jour où ils doivent boire la chamelle. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont opposés à Saleh et ils ont tué cette chamelle. Quand Saleh, alayhi salatu wassalam, dans Surah Hud, il dit وَيَقَوْمِ هَذِهِ النَّاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ مِنْ أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Oh mon peuple, voici la chamelle d'Allah qu'il vous a envoyé comme signe, laissez-la donc paître sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment proche vous saisira. وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ مِنْ أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. فعقروها فقال تمتعوا في دياركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. Il la tuèrent, alors il leur dit, jouissez de vos biens dans vos demeures pendant trois jours, voilà une promesse qui ne sera pas démentie. Le reste à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala les a infligés, c'était un cri, le châtiment c'était sous forme de cri, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et le cri saisit les injustes et les voilà foudroyés dans leur demeure. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu boire de leur puits. Et il a voulu boire que du puits où vivait la chamelle. Et donc quand il passa à côté du Hijr, il dit n'entrez dans les demeures de ceux qui avaient... Le Hijr c'était les ruines. C'était les ruines. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'entrez dans les demeures de ceux qui avaient été injustes qu'en pleurant. Par peur de subir le châtiment qu'ils avaient encouru. Il a dit il faut... Quand vous passez à côté, ne passez qu'en pleurant pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne vous châtie pas. Parce que l'endroit, il a une influence sur les gens. Et là, l'extérieur, comme on a dit, comme une règle de Al-Sunnah al-Jama'a dans l'Iman, que l'extérieur, il influence sur l'intérieur. Comme celui qui s'est repenti, il a tué les 100, les 99, et le savant lui a dit, il faut quitter cet endroit. Parce que les murs, ils ont l'influence sur cet endroit. Donc il a dit, quand vous traversez, il faut pleurer, il faut montrer votre crainte envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il poussa sallallahu alayhi wa sallam violemment sa chamelle jusqu'à laisser ses demeures derrière lui. Hadith rapporté par le Bukhari, selon Ibn Omar, anhu, 3380. Puis le prophète sallam, il exhorta les compagnons de ne pas demander des signes, ne pas demander les miracles, ne pas demander ça. Parce que le peuple de Saleh, ils l'ont demandé, parmi ces signes, c'était la chamelle. Ils buvaient un jour leur eau, toujours la parole du prophète sallam, ils buvaient un jour leur eau, et eux un jour buvaient de son lait. Ils la tuèrent, et Allah les anéantit par un qui. Hadith de Jabir rapporté par Ahmed, l'imam Ahmed. Le prophète sallam continua son avancée vers Tabouk sous un soleil brûlant, et selon le hadith d'Ibn Abbas, Omar radiallahu anhu, il lui racontait qu'on avait tellement soif et dans un état de déshydratation que certains compagnons ont égorgé leur monture et ils ont bu le liquide qui est dans les intestins des chameaux. Jusqu'à quel point ils avaient soif. Et Abu Bakr radiallahu anhu, il partit voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda d'invoquer pour eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, est-ce que tu désires que j'invoque Allah? Il a dit, oui, envoyé d'Allah, ils ont très, très soif et les montures risquent de dépérir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva les mains et avant de les baisser, un nuage, subhanallah, se forma et se transforma en pluie. Et eux, ils remplirent ils abreuvèrent leur chameau, ils remplirent leurs outres et tout. Et Omar radiallahu anhu, il a dit, quand on est sorti du camp, on n'a rien trouvé, il n'y a plus de nuage. Le nuage était juste fixé sur le camp, l'endroit où ils sont. Juste l'endroit où ils sont, subhanallah. L'une des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par Al-Bazzar et Tabarani, hadith Hassan par Al-Haythami, par Ibn Kathir, avec Anas et bon Isnad. Ibn Ishaq, la suite, il rapporte que certains compagnons firent la remarque à un hypocrite. Ils ont dit, es-tu convaincu à présent, maintenant que tu as vu le nuage juste fixé sur le camp? Il a dit, non, c'est juste un nuage passager. Rapporté par Ibn Ishaq et Al-Bayhaqi. Voilà, ça la mécréance. انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الله يزيد في سورة يونس. Regardez ce qu'il y a dans les signes qui se trouvent dans les cieux et la terre. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. Mais ces signes-là universels et les avertisseurs ne suffisent pas à des gens qui ne croient pas. Personne qui ne croit pas, la mécréance, il a gangréné son cœur, même si tu lui montres les miracles, il ne va pas croire. Les compagnons, comme j'ai dit, n'ont pas pu profiter des fruits de la saison. Ils ont quitté Médine vers Tabouk avec des simples provisions. La pâte qu'ils ont pétrie, les chameaux l'ont mangée. Ils étaient dans un état de faim qui est intense. Ils ont tellement faim qu'ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leur permettre d'égorger leurs chameaux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, faites-le, égorgez si vraiment la faim vous a... Et là, Omar radiallahu anhu, il intervient, il dit, envoyé d'Allah, si tu le fais, on manquera de monture. Chacun va égorger sa monture, on va à pied avec cette chasseresse, on va manquer de monture. Ramasse ce que nous on possède, les provisions, et invoque Allah, qu'il y ait la bénédiction d'Allah sur ses provisions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit d'accord. Et il étale un tapis par terre, et tout le monde a mis ce qu'il a. Juste une petite quantité, des dattes, un peu de pain et tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse bénédiction et tout. Et il leur a dit, chacun il prend. Et chaque compagnon, il a pris, il a mis dans son sac. Tout le monde a pris. Et subhanallah, toutes les 30 000 combattants et tout, ils ont pris. Et ils restaient même sur le tapis une partie de cette nourriture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa allahu bihima abdun ghayru shakin fa hujiba anil jannah. » Si quelqu'un rencontre Allah avec ces deux attestations, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, avec conviction, sans doute, ghayru shak, nul ne s'interposera entre lui et le paradis. Donc, ghayru shak, condition de La ilaha illallah. Et il est impossible que tu sois vraiment convaincu et tu ne pries pas. Il est impossible que tu sois vraiment convaincu et tu ne fais pas la da'wah, tu ne propages pas le bien. Il est impossible que tu ne sois pas que tu sois vraiment convaincu sans que tu fasses des actes. D'accord? Donc il ne faut pas s'attacher à ce hadith comme ça, dire « il est là et puis voilà, la porte du paradis va s'ouvrir ». Non! Il faut la conviction et il faut l'acte. Parce que là, il est Allah et les paroles et actes. Hadith rapporté par Muslim, numéro 27 par Ibn Manda, selon Abu Hurairah radiallahu anhu. Inch'Allah, on va la suite des événements de Tabouk la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallah, wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك.